mejor para nuestro pueblo. Thank you. You don't know. Some man will bring them thing that you certain, yeah. So if you see my man straight, don't feel that you dream now get it every day. Yeah, just yeah. Some little freak out there give some. You know what I'm saying? Yo, yo. If you hear me boyfriend a teeth, I do me now yum lollipop and a sheet. Yeah. You saw me standing alone. Musik ist alles für mich. You give me all that you got. Music is like my good friend. It's a part of me, definitely. Cosmo, der Sound der Welt. il n'y a pas de loi ici. S'il y a Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. Viva la vida loca. Ils ne veulent pas nous voir ici, non. Juste nègre au fond du wagon. J'ai un cœur tombé du camion. Le sourire au bout du canon. J'aime l'argent mais je préfère avoir le temps. Tu as l'âme encore faut-il avoir le cran. Pour le trône tout se règle par le sang. Sur le macadam les mômes ne respectent pas les grands. Sombre histoire, triste mélo. Dinero, où es-tu, dimelo. Es-tu plus très far away. Tu prends pour le main event. Baisse les yeux, c'est pas la fête. Mon Dieu est tombé sur la tête. L'équipe adverse marque la schneck. Sur le billet vert marque la bête. Je viens de baiser, toi pas la chaîne thune. T'es témoin d'un mage qui entre une calache et une plume. T'en as deux, une dans la bouche et l'autre dans le croissant de lune. Puis 09, ils critiquaient mais on tous saigne l'autotune. On ne remettra pas les chaînes, non. Je pèse la vie comme une chienne qui a pas de prénom. Quand je les fends pour les bobines, je suis mes démons. On ira tous en tôle si tu donnes des noms. Game dans le froco, j'crache fumé, baisse de white widow par la window, faudra passer sur le corps, impossible sur les réseaux. Tu ne meurs jamais, toi elle brillera dans le bendo. Mais je n'en suis pas resté là, sombre pirate, je n'ai jamais chez là. Qu'il tombe en bon pour un fan, donne-moi la main, mets-toi sous mon umbrella. Sombre histoire, triste mélo, dinero, où es-tu, dimelo. Je ne suis plus très far away. Dinero, où es-tu, dimelo. Baisse les yeux, c'est pas la fête. Mon Dieu est tombé sur la tête. Équipe adverse marque la schneck. Sur le billet vert marque la bête. Il n'y a pas de loi ici. S'il y a Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. Viva la vida loca. Ils ne veulent pas nous voir ici, non. Juste nègre au fond du wagon. J'ai un cœur tombé du camion. Le sourire au bout du canon. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Dancing through the night. Having such a good time. Having such a good time. Having such a good time. Having such a good time. Moonlight. the sand. It feels so right. See the sand, feels right. On dancing through the night. Keep on dancing through the night. Having such a good time. Let's come at you. Music is communication. That's the language that I've been blessed to speak most fluently in. Music is one of the greatest powers in the universe. The vibrations it creates are contained within the music. Cosmo, der Sound der Welt. Thank you. Make your father punish me, oh. Make a dumare punish me, oh. Make the land they punish me, oh. Make a dumare punish me, oh. I read them for bookie, yo. I see so myself, yo. Welly, welly, yo. We'll be right back. style way them they use. Them go pick one African man, a man with low mentality. Them go give a million naira breads to become of high position here. Him go bribe some thousand naira breads to become one using lessy chief. Like right to there, do them go there, do from corner, corner. Passy, on down. Passy, tidy, tidy. Passy, in. Passy, outy, outy. Passy, beep, beep, beep. Passy, in. Passy, corner, corner. Passy, on down. Passy, up. Passy, tidy, tidy. Then it gradually. Then it gradually. ITT. International TV. International TV. International TV. Who fight them? Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well. We don't tire hard to carry anymore. Them shit. We don't tire hard to carry anymore. Them shit. Thank you. cause it's lonely, but to can no good is Sagrisha Besselum, Macano Angatish to the Gish Mandarin, Yasko, Ginet Yalish, whether read Ethiopia, meant it up careless, whether read Ethiopia, meant it up careless.